loved by you. De quoi ai-je donc si peur? Alone. Poupoupidou. Est-ce que je me cache pour éviter une punition? I wanna be kissed by you. Just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you. Alone. Marilyn, dernière séance. Écrit et adapté par Michel Schneider. Cinquième épisode. En juin 1961, Marilyn avait emménagé dans un autre quartier de Los Angeles, près de Rancho Park, non loin des studios de la Fox. Un appartement qu'elle conserva vide. Juste une malle de livres, un coffret de maquillage, quelques portants d'habits. Aucune photo, aucun trophée. Rien qui rappelât le cinéma. Gavée de Nambutal, elle voulait juste un endroit pour dormir, entre deux visites à Ralph Grinson tous les jours à partir de 16h pour les mots et les silences, ou à Hyman Engelberg pour les pilules et les injections. Elle demanda à Ralph Roberts, son masseur et chauffeur, de tendre sur les baies de son appartement des rideaux qui fermaient l'accès au jour. Le 1er juin, elle adresse à son analyste un télégramme où elle annonce son propre anniversaire, comme on se fait un cadeau à soi-même, de peur que les autres ne vous oublient. Voici le texte du télégramme. Cher docteur Grinson, dans ce monde de gens, je suis contente que vous existiez. Je ressens de l'espoir, bien que j'ai aujourd'hui 3-5. L'analyste remarqua qu'elle n'avait pas écrit 35, mais 3 et 5. C'est son âge réel, pensa-t-il. Une semaine plus tard, elle renoue avec Frank Sinatra, qu'elle rencontre à la soirée d'anniversaire de Dean Martin à Las Vegas. Il restera son amant jusqu'au début de 1962. L'été se déroule sans que Grinson ne se décide à partir en vacances. Il la voit maintenant 7 jours sur 7 et lui prend un tarif préférentiel de $50 la séance. Il écrit au docteur Chris, la psychiatre qui l'avait suivi à New York pendant quelques années. « Je suis effrayé du vide de sa vie en termes de relations d'objets. » Elle est fondamentalement narcissique. Tant bien que mal, nous progressons, mais je ne parierai rien sur la profondeur du trouble ni sur sa durée. Vous savez, j'ai trouvé ma définition de la mort. Un corps dont il faut se débarrasser. Les survivants ne pensent qu'à ça. Un peu comme les hommes quand ils vous suivent dans la rue. Le sexe. C'est souvent un corps dont il faut se débarrasser. Un corps en trop. Ils espèrent s'en défaire en faisant un petit tour à l'intérieur. Octobre 1961. Marilyn n'aimait plus les voitures. Ne voulait plus en avoir une à elle. Elle avait vendu la Cadillac noire au siège en cuir rouge. Donné la Thunderbird noire à Strasbourg. Renoncé à la Cadillac blanche louée pour le tournage des Désaxés. Un soir, elle se fait conduire par Ralph Roberts en direction de l'océan. Sur Wilshire, elle voit les maisons basses éparpillées sans but autour de lacs interminables. Quelque chose de faux émane de ce non-lieu, de ces bâtiments sans qualité. Elle se souvient de la première fois qu'elle s'était rendue au studio de la Fox pour un test en Technicolor. Elle avait visité les décors en apparence si solide, avec ses rues et ses squares représentant tous les climats et toutes les époques. Elle avait eu du mal à se convaincre de l'irréalité des façades dont l'envers dévoilait la structure de planches et de plâtre. L'ensemble formait un écheveau de temps, un espace de rêve. Mais tout était si crédible. Ici, sur ce boulevard de Los Angeles, l'illusion était inverse. Marilyn se dit qu'il fallait beaucoup d'imagination pour croire que ces décors en carton-pâte étaient de vraies maisons, à l'intérieur desquelles de vrais gens se débattaient avec l'amour, la cruauté, l'argent. Elle fait arrêter la voiture et continue à pied, sans but. Prenant à gauche vers Pico, elle reste un instant à regarder, depuis le pont au-dessus de Santa Monica Freeway, les voitures se croisaient dans le rose du soir. Une procession d'animaux là. Elle déchiffre les tracés des phares blancs. Des yeux vides qui ne regardent rien. Il n'y a personne sur les trottoirs. Il n'y a personne sur les trottoirs. Personne ne marche dans cette ville, sauf personne moi. Ne marche dans cette ville, pense-t-elle. Sauf moi. Alors que la nuit est complètement tombée, elle aperçoit un homme arrêté devant une station-service. Elle le dépasse. Bien qu'elle porte sa perruque noire, l'homme, très jeune, la reconnaît. Follement belle, Marilyn enferme l'homme entre désir et effroi. Elle n'est plus qu'un corps. Un corps à pénétrer, en espérant rester quitte de l'âme qui s'y tient. L'homme la fait monter dans son Oldsmobile marron et la conduit jusqu'à une petite maison verte sans étage aux peintures décrépites, à deux blocs de la plage, dans une rue de Venice Beach. J'ai oublié le nom de la rue, docteur. Milkwood, peut-être. Ou Santa Clara. Qu'importe. Si, il faudra s'en souvenir demain quand elle racontera cela au docteur. Les détails, il n'y a que ça qui compte. Les noms. Marilyn demande à l'homme de la prendre par derrière. Vraiment par derrière, précise-t-elle. Surpris, il a le sentiment d'un don, d'un cadeau qu'elle lui fait. Elle livre le plus intime de son être, la plus ancienne part d'elle-même. Elle s'allonge sur le ventre. Il s'enduit du gel qu'elle lui tend et la pénètre, immobile et brûlante. Pas très longtemps, mais avec vigueur et même avec hargne. Relevant d'une main les cheveux qui couvrent son profil gauche, il la voit serrer dans son poing droit un peu du drap chiffonné. Il se retire, triste de sa tristesse. Il se sépare en échangeant des merci maladroits. Je sens dans votre récit une rêverie. Comme si cela n'avait pas été réellement vécu. Vous étiez là, mais en même temps, ce n'était plus vous. Être là ou pas ? Quelle différence ? Et pour qui ? Pourquoi ? Bye, bye, baby. Remember your mind. Grinson est effrayé par son goût croissant pour les rencontres de hasard. Un jour, elle lui dit qu'elle a couché avec un des ouvriers qui refaisait l'intérieur de son logement. Un autre jour, un inspecteur du district attorney de Los Angeles lui rapporte qu'il est tombé sur Marilyn en train de faire l'amour avec un homme dans l'ombre d'un couloir de cinéma. Dans un compte-rendu qu'il fait à Anna Freud, le psychanalyste relève une peur des hommes masquée par un besoin de séduction qui l'amène à se donner littéralement au premier ou au dernier venu. Bye, bye, baby. Remember, you're my baby. Désormais, il juge Marilyn perdue pour la psychanalyse. Elle était en réalité perdue dans sa psychanalyse. Grinson écrit à Anna Freud. Elle est dans tous ses états tant que la paix n'a pas été rétablie. Maintenant, avec elle, j'improvise. Elle est vraiment très, très malade. Je ne vois aucune solution capable d'apporter à Marilyn l'apaisement qu'elle recherche. Allô ? Docteur Grinson ? Oui ? Marilyn, je vous dérange ? Non, pas du tout. Je suis descendue par l'échelle. Docteur Grinson ? La terre est au cours de la dernière année de sa vie, les relations de Marilyn avec son analyste devinrent passionnelles. Grinson entendait incarner le père qui lui avait fait défaut. Il assumait le fait de satisfaire son fantasme d'un foyer retrouvé et d'effacer de sa vie tout ce qui pouvait faire mal. Oui. Marilyn se mit à lui téléphoner à toute heure du jour et de la nuit pour discuter de ses rêves, angoisses et inhibitions. Ses hésitations à propos d'un scénario et même ses rendez-vous amoureux étaient traités comme des éléments relevant de sa cure. Le psychanalyste commença à annuler régulièrement ses rendez-vous avec d'autres patients à son bureau de Roxbury Drive et à se précipiter chaque jour chez lui pour rencontrer en privé Marilyn. Il décida même de faire désormais certaines séances avec sa patiente allongée sur le divan. Merci. Merci. Marilyn trouvait cette relation à la fois flatteuse et satisfaisante. Mais le milieu des studios commençait à considérer que la situation du couple Ralph Grinson et Marilyn pourrait faire un bon scénario. John Huston, dont les rapports avec la psychanalyse et les psychanalystes avaient été passionnés, éclatait de rire devant cette tragicomédie. « Ce n'est plus le prince et la danseuse », disait-il en référence au film anglais et costumé de Laurence Olivier. « C'est le psychanalyste et sa doublure. S'il avait été moins paresseux, il en aurait bien fait un film. » C'est un bon scénario. Chacun sans le savoir se fait le metteur en scène de l'autre. Chacun joue le rôle qu'il ne sait pas être. Lui, un artiste. Elle, une intellectuelle. Et chacun, finalement, est devenu le rêve de l'autre. Avant de se rencontrer et hors de leur rencontre, ni l'un ni l'autre n'étaient fous. Ensemble, ils le deviennent. Ils le deviennent. Les amis de Marilyn, Alan Snyder, Ralph Roberts, Paula Strasberg et Pat Newcombe commencent à lui dire que le psychanalyste a une trop grande emprise sur sa vie. « Il n'est pas ton ange gardien, il est devenu ton ombre, ou plutôt toi la sienne », lui dit Pat. Et Roberts racontera ensuite qu'à cette époque, loin de vouloir sevrer Marilyn de tout médicament, le psychiatre autorisait la dose de 3 mg de non-butal par jour et la lui fournissait lui-même. Snyder commenta des années plus tard « Je n'ai jamais aimé Grinson. » Ni son rôle auprès d'elle. Il ne lui faisait pas du bien. Il lui donnait tout ce qu'elle réclamait. Il la gavait de n'importe quelle drogue. Il y avait quelque chose de malsain dans leur relation. Quelque chose lié à l'argent. L'argent. D'ailleurs, j'ai découvert que Grinson était en bonne place dans les registres de paye de la Fox. Marilyn répondait à ses amis qu'elle était contente d'obéir, pour une fois que quelqu'un la guidait et lui disait ce qu'il fallait faire. Elle aurait même accepté que son psychanalyste lui dise qui il fallait être. C'est mon sauveur. Il s'appelle Roméo. Romy pour les intimes. Tu crois ça? Je l'appelle mon Jésus. Il fait des choses formidables pour moi. Il m'écoute. Il me donne du courage. Il me rend intelligente. Il me fait penser. Je peux affronter n'importe quoi avec lui. Je n'ai plus peur. À mesure que sa cure avançait et que le transfert devenait plus intense et plus chaotique, les rapports entre Marilyn et la famille Grinson devinrent plus étroits. Marilyn gardait toujours au frais une bouteille de Dom Pérignon chez son analyste, afin de se servir une coupe de champagne après sa séance. Elle restait régulièrement dîner avec eux, et ne rechignait pas à faire la vaisselle. Elle adorait la cuisine de style mexicain où la famille se rassemblait et la pièce de séjour au mur lambrissé, remplie de livres et d'œuvres d'art. Après 25 ans de mariage, Ralph et Hildy restaient très dévoués l'un à l'autre et très proches de leurs enfants. Âgée de 21 ans et étudiante à l'Otis Art Institute, Joanne, leur fille, avait pris l'habitude, quand elle était petite, de rester hors de la vue des patients. Et son implication dans le traitement de Marilyn fut une innovation dont elle se réjouit sans en comprendre les causes. Les enfants Grinson se rendaient compte que le comportement de leur père était étrange pour un freudien strict, mais il les convainquit que la thérapie traditionnelle ne serait pas efficace pour Marilyn. Plus que tout, elle avait besoin de cette chaleur affectueuse que notre famille lui donnait. Quelque chose qu'elle n'avait jamais connu et ne pouvait plus connaître à cause de sa célébrité. Les gens les plus beaux peuvent croire qu'on les désire, pas qu'on les aime. Elle avait grand besoin autour d'elle, répétait-il, d'un exemple de famille stable afin de pouvoir à son tour en fonder une. Il leur dit aussi qu'il la trouvait si charmante et si vulnérable que lui seul pouvait la sauver. Marilyn n'est pas une patiente analytique. Elle a besoin d'une psychothérapie à la fois analytique et qui la soutienne. Je lui ai permis de fréquenter ma famille et de devenir notre amie parce que je sentais qu'elle avait besoin dans sa vie actuelle d'une expérience qui supplait au manque affectif dont elle a souffert depuis l'enfance. Mais en l'accueillant ainsi dans sa maison, il essayait aussi de se rendre plus réel à ses yeux, comme un être humain parmi d'autres. Il pensait que les patients devaient voir que l'analyste avait lui aussi ses émotions et ses faiblesses, et qu'en dépit de ses fragilités, il offrait un modèle fiable et constant. Il s'efforçait de leur faire accepter que l'être humain était imparfait et que l'on devait apprendre à vivre dans l'incertitude. J'étais son thérapeute, le bon père qui ne la décevrait pas et lui apporterait une compréhension d'elle-même, ou à tout le moins, simplement de la bonté. J'étais devenu la personne la plus importante de sa vie, et je me sens coupable d'avoir imposé ça à ma famille. Mais il y avait en elle quelqu'un que l'on ne pouvait qu'aimer, et elle savait se montrer délicieuse. Un soir, les Grinson donnèrent une réception pour l'anniversaire de leur fille. Marilyn avait aidé aux préparatifs et vint à la soirée. Je suis un peu maladroit. Alors vous venez souvent ici ? Mais oui, je viens régulièrement. Dès qu'elle arriva, après la stupeur initiale, plusieurs garçons dansèrent avec elle et bientôt tous firent la queue pour ça. On est potes de promo. Ah d'accord. Les autres filles ne trouvèrent plus un cavalier de libre. Et en particulier, personne ne dansait plus avec une jolie noire qui avait été la reine de la soirée avant l'arrivée de la star. Marilyn le remarqua et s'adressa à elle. « Tu connais un pas de danse que j'aimerais pouvoir faire, mais je ne sais pas comment. Tu veux bien me l'apprendre ?» Elle se retourna vers les autres et cria. « Arrêtez-vous quelques minutes, elle va me montrer une nouvelle danse. »« Elle va nous apprendre une nouvelle danse. » Le twist. Alors, ceux qui connaissent pas, donc je vous montre. En fait, Marilyn connaissait cette danse, mais elle laissa la fille la lui apprendre, cherchant à détourner vers cette jeune femme l'attention focalisée sur son seul corps à elle. Elle était très consciente de la solitude des autres. On fait la musique. On danse tout ensemble maintenant. Allez, musique. Les genoux et les bras. Allez, le twist. Skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, na na na na na na na na. Après 18 mois de cure, son psychanalyste estimait que Marilyn était entrée dans une phase décisive. Pourquoi avez-vous tant de mal à dire ces répliques ? Je repense sans cesse à cette critique. Vous l'avez lu ? Marilyn est en fait une actrice du muet, égarée sur les écrans du parlant. Pourquoi bégayez-vous sur le plateau et pas dans la vie ? Pas ici, par exemple. La peur. Peur de quoi ? De ne pas être entendu ou d'être entendu ? Vous compliquez tout. La peur des mots. C'est comme si mes lèvres ne voulaient pas les lâcher. Ce sont les mots qui nous soumettent aux autres sans merci. Nous dénudent, bien plus que toutes les mains à qui nous laissons chercher notre peau. Oui. Le langage sépare. Une parole dite est une parole perdue. Alors vous bégayez, vous refermez votre bouche sur les premières syllabes. Mais vous ne pouvez pas non plus vous séparer du langage. Ça me fait penser à quelque chose. Enfin, lorsque je bégayais, je butais surtout sur les M. J'étais plus que timide. Mais autant ça ne me gênait pas qu'on me regarde, et même je rêvais souvent qu'on me voyait toute nue. Autant je pensais qu'il valait mieux me taire. Au moins, on n'aurait pas à me reprocher une mauvaise parole. Je me souviens, à l'Emerson Junior High School de Van Nuys, vers 13 ou 14 ans, j'étais déléguée de classe et je devais ouvrir les séances en disant « Maintenant, le compte rendu de la précédente réunion mensuelle... » Je bégayais comme une folle. Et ensuite, à l'école, on m'a appelée Mademoiselle Alors, et vous savez quoi? Lorsque Ben Lyon m'a fait passer mon premier bout d'essai et qu'il a choisi pour mon nom d'artiste Marilyn Monroe, il a pris comme initiale la lettre que j'avais le plus de mal à dire. Et la première fois que je me suis retrouvée devant une caméra dans Bagarre pour une blonde, mes premiers mots sur celluloïd étaient Ils ont dû couper. Et dans le film, je suis muette. J'ai toujours eu du mal avec les mots. Du mal à apprendre mes répliques et à les dire. Ça a duré quelques temps encore après mes débuts d'actrice. Maintenant, j'ai trouvé comment éviter de bégayer. Je murmure. J'ai fait de ma peur une arme. Un piège à homme. Le M, c'est aussi la lettre de la mère. Vous savez... Dans la plupart des langues européennes que je connais, le mot « mère » commence par la lettre « M ». Les psychanalystes d'enfants, Anna Freud et Dorothy Burlingham, ont établi que les enfants élevés loin de leur mère connaissent un retard de langage. Je connais Anna Freud. Elle m'a analysé avant vous, vous ne saviez pas? Ce son « M » est un son auto-érotique. Et c'est sans doute ce qui explique que le mot « moi » commence lui aussi par un M. If you listen, you can hear it call. Whalery. There is a river called the River of No Return. C'était Marilyn Dernière Séance, écrit et adapté par Michel Schneider. Cinquième épisode. Avec Clotilde Morgiev, Marilyn Monroe, Georges Clès, Ralph Grinson, Mohamed Rouabi, le narrateur, Joanna Nizar, la narratrice, John Arnold, John Huston, Claude Lévesque, Alan Snyder, Léonie Pinjot, Joanne Grinson, Daniel Lopez, Hildy Grinson. Et avec Suzanne Aubert, Christine Braconnier, Rémi Caillebeau, Delphine Chuillot, Grégory Dutreilly, Céline Groussard, Simon Guéla, Brice Hilleré, Clément Laguarde, Guillaume Leysen, Véronique Lechat, Romain Lemire, Marina Mias et Philippe Tolbiac. Bruitage, Patrick Martinache. Recherche d'archives, Julie Amint. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Sylvain D'Angloise. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset. You.